L'aigle et la pie. Fable 11 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'aigle et la pie. L'aigle, reine des airs avec Margot la pie, différente d'humeur, de langage et d'esprit et d'habit, traversait un bout de prairie. Le hasard les assemble en un coin détourné. La gasse eut peur, mais l'aigle, ayant fort bien dîné, la rassure et lui dit « Allons de compagnie, si le maître des dieux assez souvent s'ennuie, lui qui gouverne l'univers, j'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qui le sert. Entretenez-moi donc, et sans cérémonie. » Caquet bon bec alors de jaser au plus de lui, sur ceci, sur cela, sur tout. L'homme de race, disant le bien, le mal, à travers champs, n'eût su ce qu'en fait de Babil, y savait notre agace. Elle offre d'avertir de tout ce qui se passe, sautant, allant, de place en place. Bon espion, Dieu sait. Son offre ayant déplu, l'aigle lui dit tout en colère, « Ne quittez point votre séjour, caquet bon bec, mamie. Adieu. Je n'ai que faire d'une babillarde à ma cour. C'est un fort méchant caractère. » Margot ne demandait pas mieux. Ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux. Cet honneur a souvent de mortelles angoisses. Rediseurs, espions, gens à l'air gracieux, au cœur tout différent, s'y rendent odieux. Quoiqu'ainsi que la pie, il faille dans ces lieux porter habit de deux paroisses. Fin de L'aigle et la pie. Fable 11e du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.